Jésus est la solution à nos problèmes. Si tes projets ne se réalisent pas, il est tout puissant, il a vaincu le monde, il est vivant pour l'éternité. Jésus est la solution à nos problèmes. Si tes projets ne se réalisent pas, il est tout puissant, il a vaincu le monde, il est vivant pour l'éternité. Jésus est la solution à nos problèmes. Si tu es abandonné de ta famille, il est tout puissant.